L'homme sur la Terre est plongé dans une programmation qui fait partie de son expérience de vie. Cette programmation est totalement utilisée par son esprit pour la transmutation de ses principes. Lorsque l'homme arrive à un âge de maturité, en tant qu'âme. La programmation est plus difficile parce que l'esprit est plus présent en lui, donc l'intelligence de sa programmation plus évidente. Et lorsqu'il vit cette évidence, il commence à sentir en lui-même la lutte, le combat, entre ce qu'il voudrait être, réellement, et ce qu'il ne peut pas être, actuellement. Et ce combat se manifeste dans une impuissance, c'est-à-dire dans une incapacité d'être à la mesure de ce qu'il voudrait être. Au cours de cette lutte, il transforme sa personnalité. Il brûle en lui-même les obstacles et il en arrive éventuellement à une plus grande conscience des lois de sa propre vie. Mais il y a le danger que dans cette lutte, qu'au cours de cette lutte, il ait tendance à se flageller ou à subir un avenir dans un présent qui ne peut pas l'absorber. Autrement dit, l'homme en évolution, ayant pris conscience de certaines choses, peut très bien prendre surconscience de certaines choses et ne pas avoir suffisamment conscience d'autres choses qui lui permettraient de vivre, lui permettraient de se donner ce dont il a de besoin présentement, avant que d'autres événements dans sa vie viennent s'ajouter pour l'enrichir. Donc, alors qu'il prend conscience des mécanismes de la vie, il perd le réalisme de sa conscience personnelle et il s'attache au surréalisme d'une conscience en voie de transformation profonde. C'est là que l'homme fait son erreur et c'est là que nous voyons à travers l'expérience, des êtres qui ont, par le passé, bien fonctionné dans la société, se retrouver un jour totalement abattus, totalement impuissants et incapacités. Pourquoi sont-ils devenus incapacités? Non pas parce qu'ils ont pris conscience de certaines choses, mais parce qu'ils ont interprété certaines choses. Ils ont interprété une science nouvelle à travers l'illusion psychologique de l'ego, au lieu de comprendre une science nouvelle au fur et à mesure où cette science devenait pour eux parfaitement la manifestation d'un équilibre nouveau dans leur conscience. Nous considérons que toute science de l'esprit, toute science marginale, toute science ésotérique ou occulte, toute science qui dépasse le raisonnable ou la raison pour donner à l'homme une vision plus vaste de la relation entre l'invisible et le matériel, est dangereuse si l'homme n'est pas suffisamment équilibré, suffisamment réaliste, pour l'intégrer petit à petit en conservant les aspects de son inconscience ou les aspects de sa programmation dans le but de continuer à se donner sur le plan matériel ce dont il a de besoin pour vivre. Trop de personnes s'identifient avec une science ou une conscience nouvelle par rapport à un besoin intérieur de se transformer totalement afin de devenir totalement autre. Ceci est réel dans la mesure où avec le temps l'énergie de la conscience transforme l'homme, mais ceci n'est pas réel et n'est pas valable dans la mesure où l'homme lui-même est amené à une condition de vie qui pirate totalement ses possibilités et le force à devenir un être désemparé. Pour s'avancer dans l'étude profonde et suprarationnelle de la conscience en évolution, il faut être très réaliste, il faut être très mûr, il faut être très libre d'illusions spirituelles ou métaphysiques ou occultes concernant la transformation de l'homme. L'homme ne peut pas être transformé d'un jour à l'autre. L'homme se transforme graduellement au fur et à mesure où il prend conscience des lois et des mécanismes de son être planétaire. Mais en attendant, il faut qu'il vive. En attendant, il faut qu'il travaille. Et il ne peut pas se permettre de laisser passer ou filer entre ses doigts des talents ou des expériences au profit d'une conscience future dont il ne connaît même pas l'aboutissement éventuel. Autrement dit, l'homme en évolution doit établir un équilibre de plus en plus grand entre le réalisme de tous les jours, entre le fait qu'il appartient à une société, qu'il peut travailler dans une société, et l'autre fait qui lui donne la possibilité d'agrandir son champ de vision intérieure. Mais il faut qu'il puisse vivre ces deux aspects de sa conscience dans un même temps. Sinon, il devient englobé occultement par sa nouvelle science et devient un être végétatif, incapacité, malheureux, qui rendra d'autres autour de lui malheureux. Ceci n'est pas bon, ceci n'est pas intelligent, et ceci n'est pas valable. L'homme a besoin de se protéger contre sa science intérieure. Il a besoin de se protéger dans ce sens qu'il doit utiliser sa science intérieure pour comprendre sa vie, mais non pas l'utiliser pour détruire sa vie, à quelque niveau qu'elle soit. Dans l'espoir qu'un jour elle deviendra grande, pleine, créative. Cet autre temps peut être très loin dans le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fera en attendant? Donc l'homme ne peut pas se permettre d'attendre la puissance de l'esprit et dans un même temps perdre sa propre puissance personnalisée. Il ne peut pas attendre que l'esprit lui donne le pouvoir de cette créativité extraordinaire au prix de perdre le peu de puissance qu'il possède aujourd'hui relié à ses talents et à son expérience. L'homme a encore besoin de ses talents et de son expérience pour continuer son chemin sur la vie, son chemin à l'intérieur d'une conscience encore incapable de supporter parfaitement le feu de son esprit. Il a besoin de ses talents. Il a besoin de son expérience pour se donner une vie où les besoins doivent être remplis. Sinon, il s'assujettit totalement à la vision intérieure de la puissance créative de l'esprit qui viendra un jour, et il se met dans une condition extrêmement onéreuse, où il peut, en attendant, tout perdre. Donc l'homme a avantage, l'homme en évolution, a avantage à regarder de très près ce qui le bloque maintenant, et à constater que ce qui le bloque maintenant dans la vie n'a rien à voir avec l'esprit, mais a à voir avec sa propre personnalité qui a perdu contact avec le domaine journalier de l'expérience de la vie. Cette perte de contact lui a enlevé la possibilité de réaliser que ses talents et ses expériences anciennes pouvaient encore servir aujourd'hui à se restructurer pour aller chercher dans la vie ce dont il a de besoin pour vivre et s'exécuter créativement à un certain niveau. Demain, ce que l'esprit en fusion avec l'ego lui apportera, c'est un autre jour, c'est un devenir. Mais en attendant, il faut qu'il vive, il faut qu'il prenne soin de sa famille, il faut qu'il continue dans la société à travailler comme un homme ordinaire. Mais si l'homme veut devenir extraordinaire, supraordinaire, et qu'il n'a pas éliminé les illusions de sa conscience, il vivra ses illusions pendant une longue période, et il en sera totalement souffrant. L'esprit en lui se servira de ses illusions pour la transmutation de ses corps. Mais à quoi aura servi l'instruction? L'instruction sert à protéger l'homme contre l'esprit et dans un même temps lui faire réaliser la nature de l'esprit. Mais trop d'hommes prennent l'instruction comme un tremplin vers l'esprit, alors qu'eux-mêmes, en tant qu'êtres, se voient totalement incapacités par une instruction qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont liés, empoisonnés par trop d'illusions sur le plan de la personnalité. Ceci est grave. Ceci est même dangereux. Parce que l'homme, au lieu d'évoluer de façon agréable, il évolue de façon totalement désagréable. Qu'il y ait des aspects dans l'évolution qui soient désagréables chez l'homme, c'est normal, parce que l'homme doit apprendre certaines choses qui font partie d'un domaine des lois de la conscience et de la vie que la science nouvelle lui permet de comprendre. Mais que cet état désagréable de vie se perpétue pendant des années et des années et des années parce que l'homme a occulté sa conscience à un point tel où il a perdu complètement la possibilité de se maintenir les pieds fermement enracinés dans le sol, c'est une aberration. Et ce sera l'aberration de plusieurs qui n'auront pas compris et réalisé que les besoins de l'homme, les besoins les plus simples de l'homme, doivent être remplis avant que la puissance de l'esprit puisse servir l'être en évolution. Avoir de l'esprit, être dans son esprit, demande de l'ordre dans la vie mentale et émotive et physique de l'homme. Un homme qui n'a pas d'ordre dans sa vie mentale, émotive et physique souffrira de la descente de l'énergie de l'esprit dans ses principes, c'est évident, puisque l'esprit est une dimension de son intelligence qui doit l'amener avec le temps à comprendre parfaitement ce qu'est l'équilibre entre l'ego et la lumière. Il est évident que ce n'est pas l'esprit qui va expliquer à l'homme ou qui va dire à l'homme ou qui va parler à l'homme de cet équilibre. L'homme doit le découvrir par lui-même, mais il lui sera plus facile de le découvrir s'il est moins empoisonné par des illusions spirituelles ou occultes concernant l'évolution de sa conscience ou concernant le développement de son être vers une puissance intégrale de l'esprit. Si l'homme vit de l'impuissance, ce n'est pas à cause de son esprit, c'est à cause de l'âme qui lutte pour conserver son pouvoir sur lui. Parce que l'homme soit puissant au niveau de l'ego, à travers la personnalité qui utilise les outils de l'expérience ou du talent, ou qu'il soit puissant à un autre niveau, simplement au niveau de l'esprit, les deux puissances créatives ou les deux niveaux de puissance créative sont pour lui valables. Mais dès que l'homme s'intéresse au domaine de l'esprit, dès qu'il commence à comprendre les lois occultes de la vie, il s'installe en lui une lutte, un combat entre les forces de l'âme et les forces de l'esprit. Et l'homme, au lieu d'utiliser les outils, les talents, l'expérience, pour maintenir l'équilibre entre les forces de l'âme et les forces de l'esprit, il s'allie complètement avec les forces de l'âme, donc il devient un être souffrant, ou il s'allie complètement avec les forces de l'esprit, et il devient un être souffrant. Donc, dans les deux cas, l'ego joue une partie perdante. Que l'ego vive l'impuissance par rapport à l'âme ou qu'il vive l'impuissance par rapport à l'esprit, il doit connaître les lois, le jeu de cette impuissance. Ainsi, lui, il est libre. Par exemple, s'il vit l'impuissance par rapport à l'âme, il doit reconnaître qu'il y a en lui des aspects qui conditionnent sa volonté à travers l'émotivité qu'il a de lui-même. S'il vit l'impuissance par rapport à l'esprit, il reconnaîtra que l'esprit se meut dans un temps qui lui convient, et lui, en tant qu'être, ne sera pas affecté émotivement ou mentalement par le temps que prend l'esprit pour se manifester. Mais dans un cas ou dans l'autre, l'homme doit être totalement libre des forces de l'âme ou des forces de l'esprit. Autrement dit, il doit être le produit d'une synthèse. Il doit être capable de comprendre ce qui se passe au niveau de sa personnalité qui bloque sa puissance créative à un certain niveau, comme il doit être capable de comprendre pourquoi il est bloqué sur le plan de la puissance de son esprit, à un certain niveau, lorsqu'il est dans cette énergie. Donc, dans les deux cas, il ne souffre plus. Mais si l'homme est bloqué par les forces de l'âme, de la personnalité, et qu'il croit qu'il est bloqué par l'esprit, il est dans de grandes illusions. Et s'il est bloqué par les forces de l'esprit, et il croit que ce sont les forces de l'âme, il est encore prisonnier d'une grande souffrance. Donc, dans les deux cas, l'ego doit être libre, c'est-à-dire que l'homme doit avoir la science mentale de sa personnalité, et aussi il doit avoir la science mentale de son énergie. Ayant la science mentale de sa personnalité, il peut forcer en lui son être à se réconcilier avec l'aspect réel de sa vie. S'il a la science mentale de son énergie, il ne souffrira pas de la retenue d'énergie et il continuera à vivre en fonction du mouvement qu'il doit exécuter pour s'amener à faire ce qu'il doit faire. Mais lorsqu'un homme est rendu à un haut niveau d'évolution mentale et qu'il ne souffre plus de l'impuissance reliée à l'âme, déjà il connaît très bien les lois de l'impuissance temporaire reliée à l'esprit, donc il ne souffre plus de son esprit. Donc l'ego est en paix, même dans l'absence de créativité. Mais lorsque l'homme est encore au stage de la puissance de l'âme sur sa conscience, lorsqu'il est encore au stage où il est forcé, pour des illusions quelconques, de vivre une certaine impuissance reliée à des mécanismes animiques, à ce moment-là, il a avantage à parfaitement comprendre que le problème est avec lui-même et non pas avec l'esprit. Le problème est avec lui-même dans ce sens que lui-même doit voir ses propres illusions utilisées par l'âme pour le garder dans une situation d'incapacité créative. Les forces de l'âme sont très présentes chez l'homme en évolution, de même que les forces de l'esprit. Mais les forces de l'âme sont beaucoup plus capables de créer en lui l'illusion de l'impuissance que les forces de l'esprit, puisque déjà, une fois que l'homme est dans les forces de l'esprit ou qu'il est dans sa lumière, il comprend les lois de l'action ou de l'inaction. Mais lorsque l'homme est dans la personnalité, lorsque l'homme est empoisonné par l'âme, il ne connaît pas les lois de l'action ou de l'inaction. Donc, il souffre sur le plan de la personnalité, alors qu'il pourrait se désengager de cet empoisonnement de ses voiles, de ses illusions, pour commencer à fonctionner, pour pouvoir perpétuer pendant un certain temps un certain mouvement qui lui permet, très sur le plan matériel, de se donner ce dont il a de besoin, jusqu'à ce qu'il passe à un autre niveau d'évolution créative où il pourra se donner ce dont il aura de besoin à une autre échelle. Mais il doit d'abord se donner ce dont il a de besoin à l'échelle la plus primaire de son existence planétaire aujourd'hui et maintenant. Il ne peut pas attendre demain que les grandes forces créatives, que les grandes pluies diluviennes de son esprit le détachent de la survie pour le projeter dans un temps nouveau où la vie est totalement libre et en puissance créative permanente. Ceci demande de la maturité, ceci demande du réalisme, et ceci demande que l'homme cesse de vivre sa vie par rapport à des illusions, de quelle corde qu'elles soient. L'homme doit cesser de vivre ses illusions à quelque niveau que ce soit. Donc, s'il n'est pas en puissance créative à un certain niveau, au niveau le plus bas, au niveau des talents et de l'expérience, c'est qu'il y a en lui des mécanismes qui le bloquent et c'est à lui de les débloquer. Un être, par exemple, qui serait prisonnier d'un complexe d'infériorité, complexe qui l'empêcherait d'en arriver à atteindre une certaine puissance créative sur le plan de sa personnalité en fonction de son expérience et de ses talents, serait obligé quelque part dans le temps de faire éclater ce complexe d'infériorité afin de pouvoir se donner ce dont il a de besoin maintenant. Car ce complexe d'infériorité n'est nullement rattaché à l'esprit. Il est rattaché à l'âme. Autrement dit, tout obstacle dans la vie de l'homme, même s'il est en voie d'évolution de conscience supérieure, tout obstacle dans la vie de l'homme est soit rattaché à des forces de l'âme ou à des forces de l'esprit, et c'est à lui de le savoir, et il doit le savoir, précisément. Et je peux assurer que l'homme qui vit des obstacles par rapport à sa vie de tous les jours, il ne vit pas d'obstacles par rapport à l'esprit, il vit des obstacles par rapport à l'âme. C'est l'âme qui crée des conditions, des reflets, des histoires, des miroitements, des voiles qui piègent l'ego et qui font penser à l'ego, ou qui font croire à l'ego que c'est l'esprit en lui qui le boycotte. Ce n'est pas l'esprit qui boycotte l'homme, c'est l'homme qui boycotte son esprit parce qu'il est boycotté par les forces de l'âme. Et naturellement, ces forces de l'âme utilisent l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, la mémoire, le passé, pour soulever en l'homme le doute face à lui-même, pour soulever en l'homme des craintes, des inquiétudes, des anxiétés de toutes sortes, qui font qu'il ne peut plus utiliser ses talents ou son expérience passée dans un contexte de conscience nouvelle, et qui le force naturellement à attendre que l'esprit vienne en grand seigneur lui ouvrir les portes de la science totale, où la puissance créative jaillirait de son mental, comme l'eau jaillit du rocher. Mais quelle souffrance en attendant, et quelle illusion extraordinaire! Notre expérience nous a démontré que les gens très occultés, les gens très avancés dans l'étude intérieure de l'homme, sont ceux qui ont le plus de difficultés à se créer des vies qui ont de l'allure. Pourquoi? Parce que ces êtres souffrent le plus de la lutte entre l'esprit et l'âme. Et qui est-ce qui ramasse les pots cassés? C'est l'ego. C'est l'ego qui souffre de cette lutte. C'est l'ego qui est empoisonné par des vibrations puissantes, mais non intégrées. C'est l'ego qui est piégé, dont les moyens sont confisqués, par une sensibilité intérieure qui n'a pas été ramassée. Ce n'est pas la lumière de l'homme qui est le problème. Ce sont ces ténèbres qui veulent faire de la lumière un point de rencontre éventuelle entre l'ego et son potentiel créatif. Donc, si l'homme vit de l'impuissance, qu'il regarde dans les régions sombres de sa personnalité au lieu de regarder dans les claires atmosphères de son esprit, l'esprit n'est pas anti-mouvement, il n'est pas anti-créativité, mais il a son temps. Alors que l'âme, elle, est anti-homme et fait miroiter tout ce qui est possible en utilisant même les idées que l'homme peut avoir de la science, de l'invisible, de l'esprit, pour garder son ego, pour garder l'ego dans une situation de souffrance. Donc, c'est à l'ego lui-même de devenir réaliste et de revenir sur le terrain des vaches, mais avec une conscience plus évoluée qu'auparavant. Le grand signe de l'homme qui est en harmonie avec son esprit et qui n'est plus affecté ou moins affecté par les forces de l'âme, c'est l'ordre qu'il peut créer dans sa vie. Un homme qui a de l'ordre dans sa vie, et lorsque nous parlons d'ordre dans la vie, nous parlons d'ordre à tous les niveaux, dans le mariage, dans le travail, et ainsi de suite. Autrement dit, l'homme qui se donne une vie qui fonctionne, qui est fonctionnelle, est conscientisé, a la capacité de savoir, de réaliser intérieurement que l'esprit ou la puissance créative de l'esprit n'est plus pour lui un problème. Et aussi, il a la capacité de réaliser que ses talents et ses expériences le servent aujourd'hui dans un cadre de conscience nouvelle. Mais l'homme qui ne s'est pas donné de l'ordre dans la vie, autrement dit, l'homme qui a tellement occulté sa vie qu'elle est devenue un désordre naturel, ou même un désordre occulte, ou même un désordre supporté par des contentions occultes, est extrêmement immature dans son mental, donc automatiquement et naturellement piégé par les forces de l'âme. Nous avons tendance, parce que nous sommes nouveaux à l'expérience, de croire que l'esprit, c'est tout dans la vie de l'homme. Lorsqu'en fait, l'esprit en équilibre avec l'âme, c'est la totalité de ce qui doit être composé. Nous avons tendance à croire que la créativité, la puissance créative de l'esprit, c'est tout dans la vie de l'homme. Lorsqu'en fait la créativité ou la puissance créative de l'esprit à travers l'ego est l'outil utilisé par l'homme conscient pour traverser les ténèbres de la vie et se donner sur le plan matériel, alors qu'il est sur le plan matériel. Les choses dont il a de besoin pour balancer, équilibrer sa très grande sensibilité. Donc, l'esprit ou la science intérieure ou le savoir intérieur n'est pas en lui-même et pour lui-même la finalité de l'homme. C'est la transmutation de ce savoir en action qui est la finalité de l'homme. C'est la transmutation de cet esprit, de cette énergie en activité créative sur le plan matériel pour les besoins de l'homme, pour l'équilibre de ses principes, qui représente la finalité réelle de l'homme. À partir de ce moment-là, l'homme ne vit plus les puissances de l'esprit, et déjà, il a dépassé depuis très longtemps l'impuissance de l'âme. Mais pour en arriver à ne plus souffrir de l'impuissance dans l'esprit, il faut qu'il en arrive à dépasser les puissances de l'âme. Parce que l'âme est le premier obstacle de l'homme, alors que l'esprit représente pour lui la descente de la volonté dans la matière. Donc ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est un problème. L'homme est à la recherche de son esprit comme s'il était à la recherche d'un faisan dans le bois. L'esprit de l'homme, il est déjà présent dans sa totalité. Mais ce sont les forces de l'âme qui bloquent l'homme, et qui lui donne l'impression que c'est son esprit qui le bloque, et l'homme doit regarder dans l'âme et non plus dans l'esprit. Donc, il doit regarder dans le nombril et non plus dans la tête. Autrement dit, il doit regarder plus près de lui-même. Il doit regarder dans les éléments émotifs et mentaux subjectifs de sa conscience personnalisée. Il doit regarder dans la programmation. Il doit regarder dans les illusions. Il n'a pas à regarder dans l'esprit. L'esprit est toujours présent. L'esprit est toujours là. L'esprit est toujours en puissance. Mais l'âme, dans l'homme, retient sa capacité créative au niveau de ses talents et de ses expériences. Autrement dit, transmutez l'âme et vous aurez l'esprit. Mais attendez après l'esprit et vous ne pourrez que continuer à perpétuer le pouvoir de l'âme sur votre conscience. C'est dans ce sens que la différence entre l'impuissance de l'homme par rapport à l'esprit ou l'impuissance de l'homme par rapport à l'âme est importante. L'homme doit la voir, cette différence, et doit la comprendre, mettre le doigt dessus. Si l'homme ne peut pas aller travailler dans la société parce qu'il est gêné, c'est un phénomène de l'âme, ce n'est pas un phénomène de l'esprit. Si l'homme ne peut pas aller travailler dans la société parce que il trouve les gens autour de lui trop inconscients, c'est un phénomène de l'âme, ce n'est pas un phénomène de l'esprit. Si l'homme ne peut pas aller travailler dans la société, dans la compagnie, parce que il a un complexe d'infériorité, ce n'est pas un problème de l'esprit, c'est un problème de l'âme. Donc, que l'homme résolve ses problèmes animiques, et il aura accès à son esprit. Donc, il ne souffrira plus de l'impuissance de l'âme ou par rapport à l'âme, il vivra la puissance par rapport à l'esprit, ou si l'esprit décide, pour une raison ou une autre, de retenir sa puissance créative, l'ego n'en souffrira pas, parce qu'il aura compris que la puissance de l'esprit est toujours, en permanence, présent. Alors que la puissance de l'homme par rapport à ses talents, par rapport à ses expériences, peut être retenue, colorée, imbriquée, infirmée, incapacitée par la mémoire de l'âme, ou par les mécanismes subtils ou pas trop subtils de la personnalité. Lorsqu'un homme ne travaille pas, ce n'est pas parce que son esprit le retient, c'est parce que lui est affecté par des courants astraux dans sa conscience. Parce que lui est empoisonné par certaines illusions. Parce que lui attend que l'esprit se manifeste dans toute sa puissance à travers ce petit corps, cette petite conscience humaine, cette petite mentalité de merde. Il y a des êtres qui, avant la conscientisation, ont été chefs d'entreprise, ont fait des choses, toujours dans le cadre de l'âme, mais supportés de loin par l'esprit. Et aussitôt que ces êtres ont commencé à prendre conscience de l'esprit ou de la mécanique occulte de l'âme, qu'ils ont commencé à prendre conscience des lois de l'âme, ils ont cessé d'être chefs d'entreprise pour devenir des infirmes, pour devenir des êtres en quête de conscience, pour devenir des êtres capables de dire « Ah ben, moi je suis conscient, monsieur, je ne travaille plus dans l'entreprise. Les gens dans l'entreprise sont trop inconscients pour moi. » Quelle illusion! Effectivement, ils sont inconscients, mais ce sont eux, chaque année, qui vont en vacances. Ce sont eux qui ont le loisir d'avoir des maisons, d'avoir des autos, et de manger à tous les jours, et de payer leur loyer, alors que vous, messieurs, les êtres conscientisés, les êtres supramentaux, vivent plutôt une mentalité de porte-manteau. Donc, il est grand temps que l'homme, en voie d'évolution de conscience, réalise à quel niveau il vit son impuissance. Est-ce qu'il le vit par rapport à lui-même? Et je dis oui. Ou est-ce qu'il a l'impression de le vivre par rapport à son esprit qui la retient? Et je dis non. Donc, si nous avons accès à comprendre des choses qui amènent dans notre vie une nouvelle énergie, si nous avons accès à comprendre des choses qui font de notre vie une plus grande réalité, nous devons y aller par étapes et nous devons respecter les étapes où l'homme doit travailler encore dans l'industrie des hommes. Et lorsqu'il aura composé parfaitement avec le fait de travailler dans l'industrie des hommes, il aura suffisamment transmuté l'âme pour que l'esprit ensuite s'épanouisse en lui et que demain, oui, il puisse créer sa propre industrie et inviter des gens sensibles, conscients à travailler avec lui dans une harmonie qui fera partie d'une nouvelle conscience sur le plan matériel.